Le clavecin par Albert de Thèse. Tandis que dehors, ma vieille amie et le curé continuaient leur conversation sur les tables tournantes, près du guéridon où Rosalie avait servi les verres, la carafe d'eau et les liqueurs, elle et moi nous feuilletions les cahiers de musique épars tout poudreux sur le clavecin. Chacun de ses airs, la romance de Benjamin, le devin du village, l'émissaire d'Isis, le grand air d'Aline, reine de Golconde, etc., me rappelaient quelques faits de mon enfance. Et penché vers elle, je lui racontais les ivresses, les transports de mon grand-oncle, quand jadis il chantait, en s'accompagnant, ses simples et graves mélodies. Elle ouvrit le clavecin, posa devant elle un des cahiers et préluda. L'instrument, comme ces vieillards à tempérament robuste, qui ne craignent point les variations de la température, avait tenu l'accord. Mais il ne rendait qu'un son faible et grêle. Il fallut découvrir la table d'harmonie. Alors, sous la pression ferme et souple de ses doigts, le clavecin, secoué de vibrations profondes, s'emplit d'une sonorité vigoureuse que depuis un siècle peut-être, il ne connaissait plus. Les meubles Louis XVI, la vieille pendule au tic-tac sourd et monotone, les marronniers de la terrasse, parurent tressaillir à cette évocation du temps jadis. Elle mettait son âme, sa passion dans cette musique d'un sentiment tendre, plus que douloureux, au Gluck qu'à exprimer les malheurs d'Eurydice, à jamais séparés d'Orphée. Le fa dièse revenait trois fois dans la romance, et chaque fois, c'était avec un accent plaintif, déchirant, qu'elle prolongeait comme un plaisir en insistant sur la note. Quand elle eut fini, elle, la femme du Nord, au regard clair, la parisienne, la railleuse, elle avait les yeux tout mouillés de larmes. Vers la fin du jour, ils partirent. La voiture qui les emportait disparut au tournant de l'allée, au-delà des grands arbres éclairés par le couchant, et peu à peu, le bruit des grelots et des roues s'éteignit dans l'apaisement du crépuscule. Pour mieux garder son souvenir, quand j'appris quelques semaines plus tard qu'elle était morte de la fièvre jaune en débarquant à Pernambuco avec son mari, pour mieux garder son souvenir, j'ai défendu qu'on n'ouvrit jamais plus ce salon où je l'avais vu pour la dernière fois. J'ai voulu que chaque meuble, chaque objet, restât la place qu'il occupait le jour de son départ. Le fauteuil jaune où elle s'était assise, et l'album ouvert à la page qu'elle avait regardée, et la musique en désordre sur le clavecin que nous eûmes seulement le soin de fermer. Depuis, ce salon est devenu pour moi un sanctuaire. Je n'y entre qu'avec des précautions infinies. Une fois, chaque jour, je vais m'asseoir dans le fauteuil en face du sien, et là, dans l'obscurité, comme dans les ténèbres de l'Achéron, je songe longuement à l'Eurydice perdue, qui ne doit plus renaître à la vie. Quelquefois, son image ne me réapparaît que confusément. Alors, en moi-même, je chante la romance qu'elle chantait ce jour-là. Nulle puissance n'égale celle de la musique pour évoquer un souvenir tout entier. Je cherche à me rappeler les douces inflexions et tout le charme délicieux de sa voix. Je cherche surtout à ressaisir l'accent déchirant et navré qu'elle mettait dans cette note suprême, dans ce fa dièse, le soupir d'Eurydice s'évanouissant à jamais. Quelquefois aussi, je m'approche du clavecin à pas léger, sans faire de bruit, car je demeure convaincu que là est une âme, que son souffle est resté dans cette vibration des cordes, qui persiste encore et continuera tant qu'un autre air ne sera point venu troubler l'écho de celui qu'elle a joué. Aussi longtemps que la sonorité de l'instrument ne sera pas réveillée par les ondes mouvantes de l'air extérieur. Et c'est pourquoi je prends garde à ce que jamais le jour ne pénètre ici, à ce que rien ne rompe le religieux silence que j'y maintiens. J'applique une oreille et j'écoute. Mais il faudrait une ouïe d'une finesse surhumaine pour percevoir ces imperceptibles vibrations qui vont toujours diminuant, bien qu'elles ne cessent jamais. Si j'avais cette délicatesse merveilleuse du sens acoustique, je suivrais, à travers ces prolongations infinies, cette ondulation sonore qui s'efface insensiblement ou plutôt s'affine et s'idéalise dans un lointain mystérieux. Depuis 6 mois, je n'ai pas vécu un seul jour sans pénétrer une fois au moins dans le sanctuaire ou comme dans un tombeau, sur la table d'harmonie éternellement vibrante, palpite le souvenir immatériel de celle qui n'est plus. Ma tante Gustavie et ma cousine, la petite Fernande, une espiègle de 16 ans, sont venues passer quelques jours à la campagne. Je ne pouvais leur refuser l'entrée du salon. En y pénétrant, ma tante a constaté que cela sentait bien le renfermer. Et lorsqu'une fois les fenêtres ouvertes, elle a vu sur le clavecin les feuillets de musique épars tels que l'autre les avait laissés, et l'album ouvert à la page qu'elle avait regardée, et le fauteuil où elle s'était assise. Faisant face au canapé, ma tante a déclaré que je manquais d'ordre. Elle a remis les meubles à leur place. Elle a feuilleté et fermé l'album, ne se doutant pas du long martyre qu'elle m'imposait en troublant le sommeil sacré du sanctuaire. Sauverai-je du moins le clavecin de cette profanation? Je ne l'espère plus. Ma cousine Fernande promène ses doigts mutins parmi les cahiers de musique, rit des titres surannés des romances et de ses airs fanés où tremble une sensiblerie vieillotte. Et voici que, prise du désir de les jouer pour mieux les railler encore, elle vient ouvrir le clavecin. Elle cherche, avec ses jolis doigts roses, à soulever le tablier. « Ne forcez pas, cousine, le vieux meuble est vermoulu, et votre petite main le briserait. « Mais, dit-elle, vous devez avoir la clé. « La clé? Ah oui, au fait. Mais il y a si longtemps qu'on l'a ouvert. Elle doit être perdue. Eh bien, cherchons-la. Je parie que je vais la trouver. Quel désordre, mon cousin, quel désordre. Vous ne saurez jamais ce que vous faites de vos affaires, vieux garçon. » Hélas, je le sais trop bien où elle est, la clé, là, tout près, dans un petit vase, sur la cheminée à gauche de la pendule, enterrée comme un pharaon dans sa pyramide. Et Dieu sait si j'ai le moindre désir de lui révéler le secret du tombeau. Mais l'espiègle cherche sur le clavecin, remue de nouveau les cartons de musique, furette partout avec obstination. Vraiment, nous avons l'air de jouer aux jeux innocents, à cache-cache. Cousine, vous ne brûlez pas. Et j'ai envie de lui dire... car elle tourne le dos à la cheminée, et je rirai presque, malgré mon émotion et mon ennui. Enfin, elle découvre sur la droite du clavecin un petit bouton de cuivre ciselé, le bouton du tiroir, long et étroit, comme soudé au vieux meuble par la poussière des années. « Non, pas cela, lui dis-je, vous allez tout casser. » Elle a ouvert et regardé. Elle plonge sa main. « Qu'est-ce ceci ? » s'écrie-t-elle. « Une ligne, un petit flotteur rouge avec un fil entortillé tout autour. » « Parfait, nous irons pêcher tout à l'heure. »« Allons-y tout de suite, » lui ai-je dit aussitôt, espérant faire diversion à son impitoyable curiosité. « Non, non, il me faut une clé, » reprend la capricieuse enfant. Et fourrant avec un geste boudeur la ligne dans sa poche, elle se remet à chercher. Cette fois, elle brûle. Elle a fait du regard tout le tour de l'appartement. La voilà devant la cheminée. Elle avise l'un des vases. « Grand Dieu, c'est fait !» poussant un petit cri. « Je l'ai, je l'ai !» exclame-t-elle sur un ton de triomphe, et sa main agite en l'air la petite clé taillée à facettes, avec sa robe noire de deuil et de rouille, et je sens une indicible émotion me pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Doucement, petite cousine, doucement, je vous ai averti que le meuble est très fragile. Mais la clé, introduite dans la serrure encrassée, agite toute la caisse d'un grincement douloureux. Puis Fernande relève le tablier avec précaution. Le clavecin étale ses touches d'ivoire jaunies par le temps et usées sur les bords, ses touches que la main de l'autre a sacrées. Sans pitié pour ses pieux souvenirs, l'enfant, la terrible enfant, donne l'élan à ses doigts. L'instrument ébranlé tremble comme un octogénaire, cédant des mains de sa servante pour se soulever hors de son fauteuil. Un frémissement court sous le treillis serré des fils mélodieux. Puis tout à coup, oh profanation, sur une note trop vigoureusement piquée, un bruit plaintif, un long gémissement parcourt toute la table d'harmonie. Une corde a cassé. Je la vois, recroquevillée et tordue, gisant à travers des autres cordes, vibrante encore et convulsée comme un serpent dont on aurait coupé la tête. Cette corde cassée ajoute à mon trouble toujours croissant. Sans prendre garde à mon étrange embarras, ma cousine me dit tranquillement « Nous allons réparer ce malheur. Mais d'abord, voyons à quelle note la corde répondait. » Il se met à rejouer l'air qu'il avait entamé tout à l'heure. La leçon de solfège du petit duc. Sol, do, ré, mi, fa, fa, dièse. C'est le fa dièse qui ne va plus. Mais la corde brisée, atteinte encore par le marteau, rend un son assourdi, lugubre comme un glas. C'est ce fa dièse dans lequel elle mettait naguère, en une indéfinissable expression, son âme tout entière. C'est mon souvenir anéanti. C'est à jamais perdu la magique formule de l'évocation. « Cet accident a l'air de vous affliger beaucoup, mon cousin, » dit Fernande avec un éclat de rire moqueur. « Non, en vérité, vous êtes très drôle. Quelle étrange figure vous faites. Nous allons l'arranger, votre fa dièse, rassurez-vous. » Je me sentais décidément ridicule. Je fis un effort pour cacher sous un sourire l'angoisse qui me torturait. La clé d'accord se trouvait dans un coin du tiroir, près de la colophane à moitié brisée, exhalant une vague odeur d'encens. Lentement, ma cousine déroule le supplément de corde pelotonné autour de la vis. Et tous deux, penchés l'un sur l'autre, enchevêtrant nos mains pour nous aider, nous fixâmes la corde à l'autre pivot. « Vraiment, » dis-je en me dégageant, « vous avez, petite cousine, la dextérité de main d'un accordeur. » Elle allait et venait du clavier à la table d'harmonie. D'une main, elle tournait la clé, de l'autre, elle tapait la touche. Cela avec un joli mouvement de tout son corps, une animation qui mettait du rose à ses joues palottes. Fa, fa, fa. La corde, serrée, prenait une vibration plus nette et moins lugubre. Quand le fa dièse fut d'accord, Fernande, avec une rapidité prodigieuse, fit courir ses doigts sur le clavier en une gamme chromatique effrénée. Puis elle reprit l'air du petit duc, sol, do, ré, mi, fa dièse. Sa voix très fraîche égrenait les notes comme un filet d'eau tombant d'une source. Le fa dièse, dans le ton majeur, avait perdu sa navrante tristesse, son expression de douleur poignante. C'était une note gaie, vive et pintante comme la voix folâtre de la pensionnaire. Aussi, le salon, de morose qu'il était, avait-il peu à peu pris comme un air de fête. Le clavecin semblait avoir retrouvé ses sons clairs et frais du premier jour. Un rayon de soleil éclairait vivement l'étoffe à ramage des vieux meubles et jusqu'aux grands arbres mélancoliques de la terrasse qui frémissaient joyeusement sous la brise matinale. C'est que la voix de ma cousine respirait la jeunesse et la santé. La jeunesse et la santé de cet enfant se répandaient comme une atmosphère vivifiante sur ce monde inanimé, et depuis tant de semaines endormi d'un sommeil sépulcral. Moi-même, gagné peu à peu par ce charme bienfaisant, je sentais se dissiper mes noires tristesses et s'évanouir comme une ombre mes désespoirs affublés d'une draperie romanesque. Et je ne me retournais point pour revoir Eurydice, quand, après une série d'arpèges étourdissants, ma cousine Fernande, abandonnant brusquement le clavecin, tira de sa poche la petite ligne rouge trouvée tout à l'heure au fond du tiroir et sortit comme une folle en me criant « Venez pêcher !» C'était le clavecin par Albert de Thèse.